nul mortel n'approche. Il est un burg, un homme mont à la barre. Il s'élève un temple sur la roche. Rien n'est au monde égal à son éclat. Comme le temps d'être avec mes soeurs, regarde aux voies augustes l'ont salué. Sur cette terre, aux soins pieux des hommes, les plus purs. Une colombe en traversant l'espace, bientôt les ans suivra de sa splendeur. Elle s'agrandit. Et j'ai suivi sa loi. Mon